Classica, votre radio de musique classique en Guyane, Kourou 100.3, Cayenne 106.8. Aussi sur radioclassica.fr. Classica, la radio classique de Guyane.